إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم Donc, on va commencer aujourd'hui le cours numéro 11 dans la lecture du livre qui s'intitule « Mu'amalat al-Hukkam fi daw il-kitab wa sunnah » c'est-à-dire le comportement à adopter envers les dirigeants selon ou bien à la lumière du Coran et de la sunnah. Et on est toujours dans le chapitre numéro 4 au sujet de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah ou dans ce qui n'est pas un péché. Et on pourrait même ajouter à ce titre, même si ce dirigeant est un dirigeant injuste ou un tyran. Parce que ça c'est une parole ou un ajout souvent qu'on retrouve dans les paroles de nos imams, parmi les imams des Salaf al-Salih. Lorsqu'ils parlent de l'obéissance aux dirigeants, ils disent à la fin « Walau kana ja'iran »« Wa in kana ja'iran »« Ou wa in kana zaliman » Donc c'est pour dire que même s'il est injuste, même s'il est injuste, même si c'est un tyran, du moment que c'est lui notre dirigeant et qu'il est musulman, eh bien il est obligatoire de l'écouter, de l'obéir dans tout ce qui n'est pas un péché. Ensuite, donc, on est arrivé pour expliquer qu'on est arrivé au dalil, à la preuve numéro 9. On a cité plusieurs preuves du Coran et de la Sunna au sujet de l'obligation d'obéir aux dirigeants. Et là, on est arrivé donc à la preuve numéro 9. La preuve numéro 9, c'est le hadith que le Cheikh a cité, le Cheikh Abdul Karim, Abdul Salam ibn Abdul Karim ibn Burgess. Il dit: الدليل التاسع أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فيما شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهذا لفظ لمسلم وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. Donc le dalil numéro 9, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui avons donné l'allégeance, la bay'a. Et parmi les clauses de cette allégeance, il y avait le fait que nous avions donné l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance. Sur l'écoute et l'obéissance du dirigeant. Fiman shatina wa makrahina. C'est-à-dire, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on est en forme et motivé, wa makrahina. Même si c'est dans des choses qui nous déplaisent, ou même si c'est quelque chose qui nous déplaît, fi usrina wa yusrina, c'est-à-dire dans les moments de difficulté comme dans les moments d'aisance, wa asaratin alayna, c'est-à-dire, et cela même si les dirigeants se donnent des privilèges parmi les affaires de la dunya, ils se gardent ou ils s'accaparent des choses de la dunya pour eux-mêmes et qui nous en privent. Eh bien, il dit, et que nous ne devions pas non plus disputer le commandement à celui qui le détient, ou à ceux qui détiennent le commandement. Donc ça, c'était les clauses de l'allégeance qu'ils ont donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté quelque chose, et il a dit, « Illa an taraw kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhanun » C'est-à-dire, excepté si vous voyez de la part de ce dirigeant-là un kufr qui est explicite et clair, au sujet duquel il y a une preuve, au sujet duquel vous détenez une preuve venant d'Allah, une preuve et une évidence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous devez écouter, obéir au dirigeant tel que c'est mentionné donc dans la clause de cette allégeance, excepté si ce dirigeant fait quelque chose qui est clairement kufr et qui a une preuve pour vous venant d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Et dans la narration de l'imam Muslim, donc ça c'est la narration de l'imam Muslim qu'on vient juste de mentionner. Dans la narration de l'imam Ibn Hibban, dans son sahih, le sahih de l'imam Ibn Hibban, il y a un autre ajout aussi, ça dit écoute et obéis dans les moments de difficulté et dans les moments d'aisance, lorsque tu es motivé et dans ce qui te déplaît, et même si les dirigeants se donnent des privilèges parmi les affaires de la dunya sur toi, même s'ils mangent tes biens, même s'ils frappent ton dos, donc tu dois leur obéir, même s'ils mangent tes biens, même s'ils frappent ton dos, excepté si c'est dans quelque chose qui comporte une désobéissance. Excepté si c'est dans quelque chose qui comporte une désobéissance. Donc, ça veut dire que même si ce dirigeant-là, il est injuste, même s'il fait de l'injustice, même si c'est un dictateur, même si c'est un tyran, tu dois l'écouter, tu dois l'obéir dans le bien. Sauf s'il te demande de désobéir à Allah dans quelque chose, alors dans cette chose en particulier, tu refuses de l'obéir parce que ça c'est pas permis, mais dans le reste, tu dois obéir. Et ensuite, on a également un autre dalil que le cheikh a mentionné, c'est le dixième dalil, al-dalil al-ashir. أخرج ابن أبي عاصم في السنة بسند جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. C'est un bon hadith aussi. C'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Abi Asim dans son livre qui s'intitule As-Sunnah. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait le tahqiq de ce livre. Et donc il dit que le prophète, selon Muawiyah, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit As-sami' al-muti' la hujjata alayhi. C'est-à-dire, as-sami', celui qui entend. Al-muti', celui qui est obéissant. Donc celui qui écoute et qui obéit, la hujjata alayhi, c'est-à-dire il n'y a pas de preuve contre lui, il n'y a pas d'argument contre lui. Wa inna as-sami' al-'asi Mais celui qui écoute et qui désobéit, la hujjata lah, il n'a aucun argument en sa faveur. Naam. Donc ça c'est la preuve numéro 10. La preuve numéro 11. الدليل الحادي عشر أخرج ابن أبي عاصم في السنة أيضا عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا قال ittaqullah wasma'u wa ati'u. Donc ça c'est un hadith très fort aussi, et ça ça réfute les arguments ou l'idée de certains qui prétendent qu'on doit seulement obéir au dirigeant lorsqu'il est pieux, hein? Donc ça c'est, il y a personne qui diverge sur ça, que si c'est un dirigeant qui est pieux et qui craint Allah, qu'on doit l'obéir, ça il y a personne qui va dire non. Le problème, c'est toujours lorsque le dirigeant est injuste, lorsque le dirigeant est pas pieux, lorsqu'il est pervers. Et dans tous les hadiths qu'on a lus jusqu'à maintenant, et même les autres qu'on va lire après, ça parle toujours du dirigeant lorsqu'il est injuste et lorsqu'il fait des péchés et comment on doit agir envers lui. Donc qu'est-ce que ça dit ce hadith qu'on vient de lire qui est rapporté selon, par Ibn Abi Asim dans son livre As-Sunnah? Il rapporte selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, il dit, nous avons dit, hein, qulna, ô messager d'Allah, nous ne te demandons pas au sujet de l'obéissance du pieux, mais nous te demandons au sujet de celui qui fait et qui fait, hein, c'est-à-dire qui fait plein de choses de mal et il continue, il fait tout le temps des choses mauvaises, fa'ala wa fa'al. Donc il va mentionner des exemples de mal, hein? Il vole, il tue des gens, il fait de l'injustice et ainsi de suite. Alors il a dit, craignez Allah et écoutez et obéissez. Il a dit, craignez Allah et écoutez et obéissez. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ça c'est un hadith qui est rapporté, hein, par Ibn Abi Asim, on l'a dit dans As-Sunnah, et Sheikh Al-Albani, il a fait le tahrij donc de ce hadith, il a dit que c'est un hadith sahih dans Zilal al-Jannah fi tahrij as-Sunnah. Donc il a dit, craignez Allah, écoutez, obéissez. Il n'a pas dit, non, s'il n'est pas pieux, obéissez-le pas. Non, il a dit, s'il n'est pas pieux, craignez Allah, et écoutez et obéissez. Al-Dalil al-Thani Ashar. Donc, qu'est-ce que les Khawarij disent à propos de ces hadiths-là, hein? Ils refusent de les accepter. Ils refusent de les entendre. Ils refusent de les écouter. Hein? Pourquoi? Parce que ça ne fait pas leur affaire. Donc, ils suivent leur passion. Le douzième dalil qui est rapporté, c'est aussi un point qui est bizarre par rapport aux Khawarij. C'est que quand on leur mentionne ces hadiths, ils refusent de les accepter, mais quand un de leurs membres ou quelqu'un parmi leur groupe des Khawarij prend le pouvoir, tout d'un coup ils sortent tous ces hadiths là puis ils demandent aux musulmans de les appliquer et de les respecter. Mais avant, quand c'était un autre musulman qui était au pouvoir mais qui ne faisait pas partie de leur groupe, ils reniaient ces hadiths. Donc ça c'est bizarre, hein? C'est ça qu'il faisait lorsque, par exemple, lorsque Morsi était au pouvoir, tout d'un coup, il voulait appliquer ces hadiths-là. Hein? Il disait aux musulmans, vous devez écouter et obéir aux dirigeants. Et nous, de toute façon, on écoute et on obéit, que ce soit Morsi ou un autre. Hein? Mais, pourquoi quand c'est quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de leur groupe de bid'a, ils refusent de suivre et de respecter ces hadiths? Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils ne suivent pas la sunna, ils suivent leur passion. Sinon, ils appliqueraient les hadiths en question, même quand le dirigeant ne fait pas partie de leur groupe. Ensuite, la douzième preuve qui est mentionnée dans le livre, dans le chapitre 4, il dit « Akhraj ibn Zanjouya, hein, ibn Zanjouya, fi kitab al-amwal, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس السمع والطاعة فيما تحبون فإذا كرهتم أمرا تركتموه ولكن السمع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له. Donc ça c'est une narration intéressante aussi qui vient confirmer le point qu'on vient de mentionner plus tôt. C'est rapporté selon Ibn Zanjouya dans le livre qu'on appelle Kitab al-Amwal. Kitab al-Amwal, et il dit ici, dans la chaîne de ce hadith, il y a un narrateur qui s'appelle Ibn Luhay'a. Et il est sadouq. صدوق خلط بعد احتراق كتبه. Donc c'est un rapporteur, Ibn Luhay'a, qui était صدوق, qui était quelqu'un de honnête, de fiable. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les livres sur lesquels il se basait pour rapporter les hadiths, il y a eu un feu qui a brûlé ces livres-là. Donc après que ces livres ont brûlé, parce que lui, il écrivait ses hadiths qu'il rapportait, il était quelqu'un de fiable. Mais quand ses livres ont brûlé, il a continué à les rapporter de sa mémoire, et à cause de ça, il a parfois fait des mélanges. Et c'est pour ça que, par la suite, il n'a plus été quelqu'un de fiable. Les ulama de hadith ne se fiaient plus à ses hadiths. Toutefois, le hadith en question, il est supporté par d'autres hadiths qui confirment sa signification et son authenticité. Et donc, ici, c'est donc Ibn Zanjouya, il rapporte dans ce hadith-là, dans son livre qui s'appelle Kitab al-Amwal, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'écoute et l'obéissance du dirigeant, ce n'est pas dans ce que vous aimez seulement. Et que lorsque quelque chose vous déplaît, vous le laissez, vous le délaissez. Mais l'écoute et l'obéissance est dans ce qui vous déplaît et dans ce que vous aimez. Donc, celui qui écoute et qui obéit, il n'y a pas de preuve contre lui. Il n'y a rien contre lui. Parce qu'il écoute et il obéit. Mais celui qui écoute et qui désobéit, il n'a pas d'argument pour le défendre. Il n'y a pas de preuve en sa faveur. Donc ça vient confirmer que l'écoute et l'obéissance, c'est pas juste lorsque ça fait plaisir. Ça te fait plaisir, donc tu dis ok, là j'écoute et j'obéis. Mais il y a année quand c'est quelque chose qui te déplaît, tout d'un coup tu le délaisses. Et c'est la même chose pour la charia en général. Il y a des gens par exemple quand c'est question par exemple de la charia, de l'obéissance aux lois d'Allah et à la charia d'Allah, tu dis bon, quand c'est en ta faveur, tu dis oui, on va juger par la charia d'Allah. Et moi, je veux qu'on applique la charia d'Allah. Mais quand c'est un jugement qui est contre toi, qui c'est contre toi, là tout d'un coup, tu dis non, on juge pas par la charia. On va aller juger par d'autres choses. Donc ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sincère. Par exemple, c'est lui qui a raison, ou quand il est dans le droit, là, il dit oui, je veux qu'on juge par la charia. Mais quand c'est lui qui est en tort, tout d'un coup il dit non, je veux pas qu'on juge par la charia. Ça c'est la personne qui est pas sincère, qui agit comme ça. Il y a deux narrations dans le hadith par rapport à l'obéissance aux dirigeants. Il y en a un qui dit ma aqama ma sallo. D'écouter et obéir aux dirigeants. Et quand le sahabi a dit ô messager d'Allah, est-ce qu'on ne doit pas le combattre avec l'épée s'il fait du mal ou s'il fait des choses mauvaises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ma sallaw. Il a dit non, tant qu'ils font la salat. Puis dans une autre narration, il dit la ma aqama fikum as-salat. Non, tant qu'il fait établir la prière parmi vous. Donc, il y a les deux narrations. Une narration qui dit que tant que lui, il prie, et l'autre narration qui dit, non, tant qu'il fait que la prière soit établie parmi vous. Donc, si, par exemple, ce dirigeant-là établit les mosquées, et il s'occupe des mosquées, et il fait en sorte que dans chaque mosquée, il y ait un muazzin, et qu'il y ait un imam et que les prières sont dirigées et que les prières sont appliquées, dans ce cas-là, ça n'a pas le droit de sortir contre ce dirigeant-là parce qu'il établit la salat et il fait que la prière soit établie. Un imam. والدليل الثالث عشر لدليل numéro 13 أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت قال قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلي ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني ثم استأذنه على أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها فإذا عبد يأمهم فقالوا أبو ذر فنكص العبد فقيل له تقدم فقال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف مجدع الأطراف الحديث. Donc ça c'est un hadith qui est long en réalité, mais en fait, c'est-à-dire l'histoire qui est avant, mentionnée avant le hadith est un peu longue, mais le hadith lui-même à la fin il est connu. C'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Hibban dans son Sahih, selon Abdullah ibn Samit. Il dit, nous sommes allés, Abu Dhar est allé voir Uthman. Il a quitté la Syrie pour aller voir Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et d'après le contexte du hadith, on comprend que c'est à l'époque où les gens avaient commencé à faire la fitna. À l'époque de Uthman ibn Affan, et il faisait la fitna, et probablement qu'ils encerclaient la maison de Uthman ibn Affan. Hein? Donc, il est arrivé, donc Abu Dhar est arrivé de la Syrie, il a dit, oh Amir al-Mu'minin, ouvre la porte, hein, pour que les gens puissent rentrer. Est-ce que tu penses que je fais partie des gens qui récitent le Coran sans que ça dépasse leur gorge ou leur clavicule et qui sortent de la religion comme la flèche traverse sa proie et puis ensuite qu'ils ne reviennent plus jusqu'à ce que la flèche revienne à son arc? Il dit, ce sont les pires des créatures et des créations. Il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, si tu m'ordonnais de m'asseoir, je ne me lèverais pas. Et si tu m'ordonnais de rester debout, je resterais debout tant que mes jambes me le permettent. Et si tu m'attacherais sur un âne, je ne me libérerais pas tant que ce soit toi qui m'aies libéré. Et il a dit, puis ensuite, il lui a demandé la permission d'aller voir les gens, les gens faibles qui s'étaient organisés, qui avaient encerclé la maison de Uthman. Alors, il lui a permis d'y aller. Alors, il est allé les voir. Et lorsqu'il est arrivé pour les voir, c'était un esclave qui les dirigeait dans la prière. C'était leur imam, c'était un esclave. Alors, quand les gens ont vu Abu Dhar, ils ont dit, ça c'est Abu Dhar. Alors, l'esclave s'est retiré, hein, pour laisser Abu Dhar faire l'imam. Et Abu Dhar a dit, non, reste devant. Il a dit, mon bon ami m'a enseigné trois choses. Et il a mentionné parmi ces choses-là, que j'écoute et que j'obéis, même si celui qui est au-devant de moi ou au pouvoir est un esclave éthiopien auquel on a coupé les extrémités. Et donc, ça c'est la preuve du hadith en fait, que tu dois écouter, obéir, même si ton dirigeant est un esclave ou celui qui est au-devant de toi est un esclave auquel on a coupé les extrémités. Naam. Ensuite, le hadith numéro 14, ou la preuve 14, Al-Rabi'a Ashar. أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن المقداد ابن معدي يكرب أو معدي كرب ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء أو براء وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم فيقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. Donc le hadith numéro 14, c'est rapporté selon Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, selon Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: obéissez à vos dirigeants peu importe la situation, parce que s'ils vous ordonnent quelque chose que je ne vous ai pas donné ou que je ne vous ai pas demandé de faire, ce sera contre eux et vous, vous serez innocent. Et s'ils vous ordonnent quelque chose que moi je vous ai ramené, alors eux, ils seront récompensés et vous aussi serez récompensés. Parce que lorsque vous allez rencontrer votre Seigneur, vous allez dire ô Seigneur, ô notre Seigneur, pas d'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira pas d'injustice. Alors vous direz: ô notre Seigneur, tu nous as envoyé des messagers et nous leur avons obéi. Et ensuite, tu les as fait succéder par des khulafa, et nous leur avons obéi. Puis, tu as mis sur nous, au-dessus de nous, des dirigeants, puis nous leur avons obéi. Alors, il dira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dira, et vous avez dit vrai, c'est contre eux, et vous, vous êtes innocents. S'ils vous ont ordonné de faire des choses haram, ou s'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, s'ils vous ordonnent des péchés, vous ne les obéissez pas. S'ils ont fait des choses pas correctes, ce sera contre eux. Vous en serez innocent. والدليل الخامس عشر, la preuve numéro 15. أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ولا ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وطيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. إسناده صحيح. Donc c'est rapporté dans la sunnah de l'imam Ibn Abi Asim. Selon Abi Umama al-Bahili, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: sachez que certes il n'y aura pas de prophète après moi, et il n'y aura pas de umma après vous. Et il a dit alors, adorez votre Seigneur et établissez vos cinq prières et jeûnez votre mois de Ramadan et donnez la zakat de vos biens, un bon cœur, que ça vienne de vous-même, et obéissez à vos dirigeants, vous rentrerez dans le paradis de votre Seigneur. vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Donc ça c'est la mention de l'obéissance des dirigeants fait partie de ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et le dernier dalil que le cheikh a mentionné, c'est ad-dalil as-sadisa ashar. Et le cheikh, il a mentionné seulement 16 hadiths dans ses preuves, mais il faut comprendre en même temps qu'il y en a bien plus que ça. Ça, c'est juste une petite partie. Parce qu'il y a un parmi les mashaykhs, il a cité plus qu'une centaine de hadiths sur l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Donc, il y en a beaucoup de hadiths de ce genre, et c'est pour ça que ça fait partie des fondements, parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, le dalil numéro 16, le cheikh il dit, الدليل السادس عشر أخرج ابن سعد أن زيد بن وهب قال لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة فاجتمع الناس فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه فقال إن له علي حق طاعة ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنة. Donc le hadith, c'est un hadith rapporté selon Ibn Sa'd dans Al-Isaba. Il dit que Zayd ibn Wahb a dit, lorsque Uthman a demandé à Ibn Mas'ud, en lui ordonnant de venir à Médine, parce que Uthman était le khalifa, et Ibn Mas'ud était à Koufa, si je ne me trompe pas, il était à Koufa. Donc il l'a appelé et il a envoyé quelqu'un pour le faire venir à Médine. Il dit, viens à Médine, je te demande de venir. Alors les gens se sont mis autour de Abdullah ibn Mas'ud et ils lui ont dit, reste et nous allons te protéger pour qu'aucun mal ne t'atteigne ou que rien de ce qui te déplaît ne t'arrive. N'y va pas, Yanni, reste ici, nous on va te protéger. Qu'il n'y a rien de mal qui va t'arriver. Alors, Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il a sur moi le droit de l'obéissance. Et je n'aimerais pas être le premier qui a ouvert la porte de la fitna. Donc vous voyez comment Ibn Mas'ud a répondu. Donc il dit, فَتَأَمَّلْ فِعْلَ ابْنُ مَسْعُودِ هُنَا وَفِعْلَ أَبِي ذَرٍ الْمُتَقَدِّمَ مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن الجميع رضي الله عن الجميع يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على ما تهوى النفس. Donc le cheikh dit, méditez sur l'exemple de ce que a fait Ibn Mas'ud dans cet exemple, dans ce hadith, et ce que Abu Dharr a dit également dans le hadith qu'on a mentionné précédemment par rapport au prince des croyants, Othman radiallahu an il jami'. Et comment quand tu observes l'exemple d'Ibn Mas'ud et l'exemple d'Abu Dharr, eh bien tu vois comment les salafs se soumettaient de façon absolue à l'ordre du législateur, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et il mettait l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de leurs désirs personnels et de leurs passions. Wa anna al-itharata ala al-wilaya al-qa'ima fathu bab sharrin ala al-umma. Donc il dit que d'inciter les gens contre le dirigeant qui est établi, c'est d'ouvrir une porte du mal, d'ouvrir une porte pour le mal sur la Ummah. Il dit, قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى عند إيرادهم لطائف عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب. إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. Donc ici le cheikh il dit les imams de la da'wa. Les imams de la da'wa, quand on parle des imams de la da'wa, c'est les imams de la da'wa Najdiya. C'est-à-dire, après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses descendants et ses élèves, et ceux qui ont propagé la da'wa salafia après lui, ils ont écrit de nombreux livres. Et parmi ces livres-là, on trouve des exemples où ils réfutent parfois les khawarij et ceux qui ont dévié dans cette question-là. Et donc, ils mentionnent les hadiths qu'on a lu au sujet de l'obéissance aux dirigeants, et ils disent par exemple, lorsqu'on a compris ce qui a été mentionné précédemment parmi les textes du Coran et des hadiths de la prophétie, hein, et des paroles des ulama vérificateurs dans l'islam au sujet de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants et l'interdiction de leur disputer leur autorité et leur pouvoir, et l'interdiction de se révolter contre eux, et que les bienfaits de la religion et de la dunya ne peuvent être organisés, excepté avec la présence d'un imam et d'un dirigeant, hein, un imam, c'est-à-dire un dirigeant, et d'une jama'a qui s'est rassemblée autour de ce dirigeant. On comprend par la suite que de sortir contre l'obéissance du dirigeant, hein, et de se révolter contre le dirigeant, que ce soit en faisant une guerre contre lui, ou de se révolter contre lui avec les armes ou autre, que ça c'est une désobéissance et une opposition à Allah et à son messager, une contradiction de ce que font les gens de la sunna et de la jama'a, une contradiction de ce sur quoi se tiennent les gens de Ahl sunna wal jama'a. Il dit ensuite, وقال شيخ الإسلام رحمه الله أما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والجماعة كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا من سيرة أو من سيرة غيرهم. انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, en ce qui concerne les hommes de science et de religion et de mérite, ils ne permettent à quiconque de faire ce que Allah a interdit parmi les formes de désobéissance aux dirigeants, ou de les tricher, hein, de tricher, ou d'être malhonnête envers eux, ou de se révolter contre eux d'une façon ou d'une autre, comme cela a été connu dans les habitudes et les traditions des gens de Ahl Sunnah et les gens de la religion, que ce soit dans le passé ou à l'époque présente, hein, parmi les exemples qu'on a vus, يعني des autres. Donc il dit que ça c'est tiré de Majmou' al-Fatawa, le volume 12 à la page 35, ou le volume 35 à la page 12, un des deux. Après, donc ça c'est qu'est-ce qui vient conclure les preuves qu'on a mentionnées dans les cours précédents, hein. Le chapitre 4 est terminé maintenant. Donc on a fini le chapitre 4. Le chapitre 5 maintenant, c'est quoi? C'est au sujet de la façon comment on doit ordonner le bien et interdire le mal aux dirigeants. Comment on doit ordonner le bien et interdire le mal aux dirigeants? Le titre c'est Al-Fasl al-Khamis fi al-Hath ala inkar al-Munkar wa kayfiyat al-Inkar wa kayfiyat al-Inkar ala al-Umara. C'est-à-dire comment on condamne le mal ou comment on interdit le mal que fait le dirigeant. Parce que, bien entendu, il y a une façon bien particulière d'interdire le mal aux dirigeants. C'est pas la même chose qu'est-ce que quelqu'un peut faire, par exemple, parmi les musulmans, lorsqu'il veut interdire le mal autour de lui, quand il voit quelqu'un faire du mal, ou dans sa maison, hein, ou bien dehors. Il y a des façons bien précises. Et donc, on va voir la méthodologie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Si un dirigeant c'est une femme, hein, on sait que dans l'islam, la femme n'est pas supposée d'avoir un poste de dirigeant. Hein, mais le principe c'est le même. Le principe c'est le même. Si on n'est pas capable de l'enlever du pouvoir sans faire couler le sang ou sans faire de fitna, hein, en principe ça devrait être la même chose. Il ne devrait pas y avoir de différence. Mais on sait qu'une femme soit au pouvoir, c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. C'est pas quelque chose qui est permis. Non, c'est ça. Non, on a vu même des femmes au pouvoir, comme au Pakistan, avec Benazir Bhutto. Et on a vu aussi au Bangladesh. Hein, et souvent, c'est la femme d'un président, quand il meurt, elle prend sa place. C'est arrivé dans quelques pays. Mais ça, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Bakra, il a dit « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً وَلَّوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً » Ça veut dire qu'un peuple n'aura jamais le succès s'il donne la charge ou la gestion de ses affaires à une femme. Donc les positions de poste de dirigeance, une femme ne peut pas occuper ce poste dans l'islam. Hein, n'en déplaise aux défenseurs des droits de l'homme ou à l'ONU ou je ne sais pas qui, ou les féministes. Dans l'islam, c'est comme ça, c'est la loi d'Allah. On n'a jamais vu un prophète femme. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé un prophète femme. Tous les prophètes, c'est des hommes. Et dans l'islam, l'homme, c'est lui qui est le chef de la famille. C'est pas l'homme et la femme qui sont chefs de la famille ensemble. Non, c'est l'homme qui est chef de la famille. Et c'est lui qui est responsable de la femme. Et cette responsabilité-là, c'est Allah qui l'a mis sur l'homme. Hein? Et donc, il n'y a pas cette égalité absolue entre l'homme et la femme dans l'islam, contrairement à ce que les koufars prétendent. Et même eux, même si lorsqu'ils disent que l'homme est égal à la femme, dans la réalité des faits, ils ne peuvent pas l'appliquer. Parce que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Hein? Donc, le cheikh, il dit maintenant, Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ça, c'est un point très très important. Pour comprendre l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal selon la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'a, parce que si on ne comprend pas comme il faut ce principe, selon les fondements et les règles de Ahlus Sunnah wal Jama'a, on tombe facilement dans l'extrémisme. Hein? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils voient du mal, ils voient des choses haram, ils disent, ah, bon, il faut arrêter ça, il faut changer ça. Et ils vont même aller essayer d'interdire un mal ou de changer un mal en utilisant des méthodes ou en faisant des choses qui vont ramener plus de mal que ce qu'ils veulent interdire. Et ils ne réalisent pas qu'ils font plus de mal. Et dans ce cas-là, c'est haram. Mais eux, ils ne savent pas. Hein? Parce qu'ils n'ont pas étudié la religion. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar aslun min usul ad-din. به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به فقال تعالى والذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Donc le cheikh il dit, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal est un fondement parmi les fondements de la religion. Et c'est par ce fondement-là qu'on peut faire paraître le bien, et que le bien devient général, et que le mal ou la fausseté peut se cacher ou bien disparaître complètement. Hein? Et donc, Allah a distingué entre les croyants et les hypocrites par l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ça, c'est quelque chose qui indique que ça fait partie des caractéristiques les plus particulières des croyants et que c'est eux et Annie qui doivent mettre en place et établir cet ordre-là et ce principe-là. Il mentionne comme exemple le verset 71 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. » Donc on voit que les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. Ils ne sont pas des opposants les uns des autres. Ils ne sont pas des ennemis les uns des autres. Ils ne sont pas des en conflit les uns avec les autres. Contrairement aux kuffars qui essaient de mettre les hommes contre les femmes contre les hommes, et de faire des compétitions entre l'homme et la femme, ou de faire des disputes entre les hommes et les femmes, de mettre les femmes contre les hommes et de mettre les hommes contre les femmes. Non, dans l'islam, l'homme et la femme sont des alliés. Les croyants et les croyantes sont des alliés, ils s'entraident ensemble dans la religion d'Allah. Ils s'entraident les uns les autres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est pas une relation d'animosité ou de conflit ou de haine, au contraire. Et donc, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Ça, c'est la responsabilité des mu'minin, hommes et femmes. Et il mentionne l'exemple des hypocrites. وَقَدْ ذَكَرَ قَبْلَهَا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Donc ça c'est l'exemple des hypocrites que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset qui précède le verset qu'on a lu précédemment, le verset 68 dans sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les hypocrites hommes et femmes. Il dit et les hypocrites hommes et femmes sont les uns, font les, partie les uns des autres. Hein? Ils ordonnent le mal et interdisent le bien. Donc c'est pas bien, c'est pas juste qu'ils n'ordonnent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal, mais ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et c'est ça qu'on constate. Hein? Ils prétendent par exemple qu'ils sont pour la liberté et qu'ils veulent laisser à tout le monde le droit de faire ce qu'il veut. Hein, ou de faire ce que chacun désire faire. Mais la réalité, quand on observe bien comme il faut, on voit que les koufars et les munafiqines, ils ne veulent pas que les gens du bien fassent le bien, et ils ne veulent pas que les gens du bien s'abstiennent de faire le mal. Même qu'ils veulent les forcer à faire le mal, et les obliger à le faire, et ils veulent leur interdire de faire le bien. Et ils veulent leur interdire de faire le bien et leur interdire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas satisfaits de nous tant qu'on devient comme eux. Ça c'est la réalité. Hein? Et donc le cheikh il dit وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي قَوْلِهِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à cette umma, à la umma de l'islam, en disant et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdise le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية، لكن وجوبها ولكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، في أصح أقوال أهل العلم. Donc le cheikh il dit, d'après le verset qu'on vient de lire, il est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal pour cette umma. Mais cette obligation est une obligation qu'on appelle kifa'i en arabe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie wujubun kifa'i? Ça veut dire que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui établissent cet ordre et cette obligation, le péché ne va pas être sur les autres ou sur le reste des musulmans. C'est-à-dire, s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui ont respecté cet ordre et cette obligation, eh bien, le péché tombe pour le reste. Tandis que si on ne trouve personne dans la Ummah qui applique cet ordre, dans ce cas-là, le péché est général. Eh non, tombe sur tout le monde. Et ça, c'est selon l'opinion la plus correcte des hommes de science au sujet de la définition de al-wujub al-kifa'i. Le cheikh il dit: هذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة الشريفة. كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أهل الفضل، فهو من أفضل الأمة. Donc le cheikh il dit que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a uniquement réussi à atteindre et obtenir cette noblesse et cette excellence parmi les nations précédentes ou par rapport aux nations précédentes uniquement à cause de ses caractéristiques de noblesse, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc ça veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, c'est pas juste que la umma de l'islam elle est la meilleure nation sur toutes les autres nations de façon absolue, mais cette excellence qu'elle a, cette nation elle a une excellence sur les autres nations mais avec des conditions, c'est-à-dire pour qu'on soit la meilleure nation il faut qu'il y ait des conditions, et ces conditions là c'est quoi? C'est qu'on établisse qu'on établisse l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal sur nous-mêmes et sur les autres. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah, c'est-à-dire vous appliquez le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faman haqqaqa aw faman tahaqqaqa hadha al-wasf fa huwa min afdal al-umma. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc celui qui respecte cette caractéristique-là, cette description, alors il fait partie de la meilleure des nations. C'est pas comme Bani Israël, les fils d'Israël. Eux, ils ont pensé qu'ils sont un peuple élu, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. Même s'ils obéissent pas à Allah, même s'ils font tous les péchés qu'Allah a interdits, ils sont quand même un peuple élu. Et beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, ils pensent comme ça. Ils disent, non, les juifs, c'est le peuple élu de Dieu. Mais c'est étonnant de voir qu'eux, ils sont chrétiens, puis ils croient que les juifs sont le peuple élu. Dans ce cas-là, tu leur demandes, ils disent, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites, vous? Si eux sont le peuple élu, vous, vous êtes quoi? En fait, le peuple élu de Dieu, c'est pas un peuple qui est élu juste par rapport à ses gènes ou bien son bagage génétique. Non, le peuple élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le peuple qui ordonne le bien et qui interdit le mal et qui reste sur le tawhid. Et quand on dit ordonner le bien et interdire le mal, il y en a beaucoup qui pensent uniquement à ordonner le bien dans le sens faire la salat, faire la zakat, faire le jeûne, faire l'aumône, faire les quatre piliers, et de s'abstenir des péchés comme cesser de boire de l'alcool ou de manger du porc, hein, ou de faire le zina ou d'autres péchés de ce genre. Mais ils oublient le plus grand de tous les péchés qui est le shirk, et ils oublient le plus grand des biens qui est le tawhid. Donc quand on parle d'ordonner le bien, on parle en premier d'ordonner le tawhid d'Allah et tout ce qui vient ensuite. Puis on parle d'interdire le mal, on parle d'interdire le shirk et tout ce qui découle, hein, par la suite comme péché. Mais le plus important en premier, c'est d'ordonner le tawhid et d'interdire le shirk. Et tout le reste, c'est quelque chose qui suit. Parce que si quelqu'un il fait toutes les œuvres de bien, mais qu'il n'a pas établi le tawhid, ses œuvres n'auront aucune valeur. Et si quelqu'un s'abstient de tous les péchés, sauf qu'il fait le shirk, eh bien, ça n'aura aucune utilité pour lui. Non, s'il n'a pas le tawhid, c'est sûr que tout ce qu'il fait d'autre ne sera pas valable. Et c'est comme les ulama, ils ont dit, celui qui n'adore pas Allah seul et qui n'a pas établi le tawhid, c'est comme s'il n'avait pas adoré Allah, hein? Et la raison de ça, c'est parce qu'une adoration, elle n'est pas une adoration excepté si elle est basée sur le tawhid. Non. Wal-mutaba'a, c'est la deuxième condition. C'est pour que l'action soit acceptée, elle doit être faite avec ikhlas, c'est-à-dire que l'action soit faite uniquement pour Allah, et deuxièmement, elle soit faite avec, en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon cette action ne sera pas valable. Na'am. Donc le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ لَعَنَ الرَّسُولُ لَعَنَ الرَّسُولُ لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر كما قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Le cheikh il dit que les messagers d'Allah, que la paix d'Allah et le salut soient sur eux, ils ont déclaré la mécréance. Ils ont maudit. Hein? Ils ont maudit ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël. C'est ça. Les messagers, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, ils ont maudit ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël parce qu'ils ont abandonné l'interdiction du mal. Ils ont abandonné l'interdiction du mal qu'ils faisaient. Et ça c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, le verset 78 et 79. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et par la langue de Jésus, le fils de Marie, parce qu'ils ont désobéi et parce qu'ils transgressaient. Ils ne s'abstenaient pas, ou ils ne s'interdisaient pas plutôt, ils ne s'interdisaient pas de faire le mal les uns les autres lorsqu'ils le faisaient, comme était mauvais ce qu'ils faisaient. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Donc لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Donc ça c'est un verset qui est clair à ce sujet-là. Donc si par exemple les gens sont les uns avec les autres et ils se voient les uns les autres en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne s'interdisent pas de faire qu'est-ce qu'ils font de haram, eh bien ils vont eux aussi, même s'ils sont musulmans, même s'ils ne font pas partie de Bani Israël, ils vont rentrer eux aussi dans la malédiction et dans la, yani, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée dans ce verset. Parce que il ne faut pas penser que ce qui est mentionné à propos de Bani Israël dans ce verset, ça se limite uniquement à Bani Israël. C'est général. Et toute personne qui rentre dans la caractéristique et dans la description qui est mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il rentre dans l'exemple et dans la malédiction qui est mentionnée dans le verset. Donc le cheikh, il dit « فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ أي أَنَّ لَعْنَهُمْ بِسَبَبِ عُسْيَانِهِمْ وَاعْتِدَائِهِمْ ثم فسر الاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر ثم أقسم الله تعالى على ذم هذا فقال لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qu'on a mentionné dans sourate Al-Ma'ida ceci, parce qu'ils désobéissaient et parce qu'ils transgressaient, c'est-à-dire Allah les a maudits à cause de leur désobéissance et de leur transgression. Puis il a interprété ou il a expliqué leur transgression par la parole qu'il a dit ensuite, c'est-à-dire qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. Il dit, c'est-à-dire, quand quelqu'un d'entre eux faisait un péché, ils ne se l'interdisaient pas les uns les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la suite de, yani, que cette chose qu'il faisait était quelque chose de blâmable. Et il a dit, comme est mauvaise ce qu'il faisait. Hein, comme est mauvais ce qu'il faisait. Et il dit, ça a été également confirmé dans l'islam par les textes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est mentionné dans le Coran, c'est mentionné également dans la Sunna, comme dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le niveau le plus faible de la foi. C'est-à-dire le niveau du cœur, de changer le mal par le cœur seulement. Ça, c'est le niveau le plus faible de la foi. Il ne faut pas penser, quand on lit ce hadith-là, certaines personnes s'imaginent que celui qui change le mal par son cœur, c'est le niveau le plus faible de sa foi, donc il s'imagine que celui qui change par la main ou par la langue, il ne change pas par son cœur en même temps. C'est pas ça que le hadith signifie. Quand tu changes par ta main, tu changes par ton cœur et ta main en même temps. Quand tu changes par ta langue, tu changes par ton cœur et ta langue en même temps. Sinon, tu changes seulement par ton cœur parce que tu n'es pas capable avec ta main et tu n'es pas capable avec ta langue. Mais c'est pas, il n'y a pas une fois que tu vas changer le mal par ta main ou par ta langue, excepté que ton cœur est présent aussi. Puisque la base des actions, c'est le cœur. Hein? Et le cheikh, il explique ça maintenant. Parce qu'il y a des règles à ça. C'est pas tel quel. Hein? Il dit, فهذا الحديث خطاب لجميع الأمة وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة. وإن إنكاره بالقلب لابد منه فمن لم ينكر بقلبه فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك كما قال ابن مسعود عندما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. Donc le cheikh il a expliqué, il dit que le hadith ici c'est une parole qui est générale pour toute la Ummah. Et elle indique que l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal correspond à la capacité de la personne. Et que dans tous les cas, le fait de condamner le mal et de changer le mal par le cœur, ça reste toujours obligatoire et nécessaire. Donc celui qui n'a pas changé le mal par son cœur, il a péri. Celui qui n'a pas changé le mal par son cœur, il a péri. Parce que quelqu'un, lorsqu'il dit « je ne vais pas changer le mal avec ma main », pourquoi ? Parce que j'ai un empêchement, ou parce que c'est difficile, ou parce que j'ai peur. Hein? Ou celui qui ne change pas le mal avec sa langue, parce qu'il a peur, ou parce qu'il n'est pas capable. Est-ce qu'il peut dire « je ne peux pas changer le mal avec mon cœur » ? C'est pas possible. Il n'y a personne qui peut venir t'empêcher de changer le mal avec ton cœur. Puisque ton cœur, il n'y a personne qui a un pouvoir dessus ou un contrôle dessus, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais tandis que tes actions et tes paroles, tu peux être empêché de parler ou d'agir par d'autres êtres humains. Hein? S'ils sont plus forts que toi aussi, ils ont une force ou une puissance, ils peuvent t'empêcher. Tandis que ton cœur, ils ne peuvent pas t'empêcher ton cœur. Et donc c'est pour ça que celui qui n'a pas changé le mal avec son cœur, hein, Abdullah ibn Mas'ud, il a entendu un homme qui disait, celui qui n'a pas ordonné le bien et qui n'a pas interdit le mal, il a péri. Alors Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, il a péri celui qui n'a pas reconnu le bien avec son cœur, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu par son cœur le bien et le mal. Donc du moment que tu es capable de reconnaître le bien et le mal, et que tu peux condamner le mal et approuver le bien par ton cœur, ça c'est une obligation pour chaque individu musulman, sinon tu péris. Il dit « Wa qala al-allama ibn Rajab rahimahullah shari'an hadha al-athar yushiru ila أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك انتهى كلامه. Donc العلامة ابن رجب الحنبلي un des grands ulama, il explique ce hadith et il dit, en expliquant la parole d'Ibn Mas'ud, il dit celui qui par son cœur n'a pas connu le bien, hein, et n'a pas connu le mal, hein, celui qui, il veut dire que de connaître le bien et de connaître le mal par le cœur, c'est une obligation, et ça c'est quelque chose qui ne tombe pas pour personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire ça c'est pas obligatoire pour moi. Donc celui qui ne connaît pas le bien, qui ne connaît pas le mal par son cœur, il a péri. Hein? Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Rajab. Ensuite il dit وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ, c'est-à-dire parmi les ulama, إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء وهذا قول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. Donc le cheikh il dit, certains d'entre les ulama ont mentionné que le fait de changer le mal par la main, ça c'est quelque chose qui est limité aux dirigeants ou ceux qui sont proches du dirigeant, et que de condamner le mal ou de changer le mal par la langue, ça c'est quelque chose qui est limité aux hommes de science. Le cheikh il dit ça c'est une position qui est faible, parce que c'est de restreindre le hadith sans preuves qui viennent supporter cette restriction. Le cheikh il dit parce que le fait de changer le mal par la main, c'est quelque chose qui est obligatoire à toute personne qui a la capacité de le faire parmi les musulmans. Il dit وَلَعَلَّ قَائِلٌ قَالِهُ وَلَعَلَّ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ إِنَّمَا أُتِيَ مِنْ تَلَازُمِ السَّيْفِ وَالْيَدِ فِي ذِهْنِهِ فَفَرَّقَ هَذَا التَّفْرِيقَ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ وَهُوَ التَّغْيِيرُ بِالْخُرُوجِ عَلَى ولاة الأمر وليس كذلك. Donc le cheikh il dit, peut-être que la personne qui a dit cette position, qui a eu cette opinion, de dire que tu ne peux pas changer le mal par ta main, sauf si tu es le dirigeant, il a eu cette opinion-là en pensant que ça impliquait de prendre l'épée. Hein? Il a fait le lien dans son esprit entre le fait de changer par la main et de changer par l'épée, et il a fait la distinction, hein? Il a fait cette distinction-là à cause de ça, par peur de tomber dans qu'est-ce qui est interdit, et d'essayer de changer le mal en se révoltant contre le dirigeant, alors qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire, tu peux changer le mal avec ta main, mais ça ne veut pas dire que tu vas justifier ou permettre de prendre l'épée contre le dirigeant ou de te révolter contre le dirigeant. Et le cheikh il dit, wa qala l'imam Ahmed fi riwayati Salih, التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال الماروذي قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف. قلت كيف باليد؟ قال يفرق بينهم. وقال ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. انتهى كلامه. Donc on a un exemple ici. Donc le cheikh dit, l'imam Ahmed, il a rapporté dans une narration selon Salih, hein, je crois que c'est un de ses fils qui s'appelle Salih, il a dit, changer le mal avec la main, ce n'est pas avec l'épée ni avec les armes. Et il a dit que Al-Marouzi, un des grands imams parmi les salafs, il a dit, j'ai dit à Abu Abdullah, c'est-à-dire j'ai dit à l'imam Ahmed, sa kunya c'est Abu Abdullah, la kunya de l'imam Ahmed c'est Abu Abdullah. Donc il dit, j'ai dit à Abu Abdullah, comment se fait l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? Il a dit, par la main, il dit ça se fait par la main, par la langue et par le cœur, et ça c'est le plus faible. Et il a dit, Al-Marouzi a demandé, et comment cela se fait-il avec la main? Il a dit, c'est en séparant entre eux. Et en séparant entre eux, il donne l'exemple. Il a dit, j'ai vu le fils de, yani, j'ai vu Abdullah, j'ai vu Abu Abdullah, c'est-à-dire j'ai vu l'imam Ahmed qui est passé près des enfants qui vont dans les écoles de Coran, ils étaient en train de se battre entre eux, alors il les a séparés. Il les a séparés, alors qu'ils étaient en train de se battre. Donc il est allé, il les a séparés. Il a dit, hein, ça c'est un exemple comment on change le mal avec la main. Donc même si on n'est pas un dirigeant, on peut, quand on voit deux enfants qui se battent dans la rue, tu les sépares. Hein? Tu les sépares. Donc ça c'est l'exemple de changer le mal par la main. Donc ça c'est la fin de la citation qui est tirée de Al-Adab al-Shar'iyya de l'imam Ibn Muflih. Il dit, فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه كمن استطاع أن يكسر مزمارا أو يطمس صورة ونحو ذلك. Donc il dit le cheikh, il dit donc le hadith de façon générale, il implique la légitimité ou la légitime, yani le fait qu'il est légitime, il est permis de changer le mal par la main pour celui qui en a la capacité, comme par exemple celui qui est capable de briser les flûtes, hein, ou les instruments de musique, les guitares, les flûtes, les tambours ou autres, ou de détruire une image ou une statue, hein, et ainsi de suite. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il y en a maintenant comme, par exemple, il y en a par exemple qui voient par exemple Daesh qui détruisent des statues ou des images, et ils critiquent ça. Et le fait que Daesh fait ça, Daesh c'est des khawarij, c'est des gens de l'égarement, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est contraire nécessairement au Coran et à la Sunna. Il y a des choses qui peuvent, peut-être que certaines choses qu'ils font qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, mais ça ne veut pas dire qu'eux sont sur le haqq. Hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à Ali ibn Abi Talib de détruire toutes les images et les statues qu'il trouve dans son chemin. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé et il m'a ordonné de détruire toutes les statues et toutes les images que je trouve. Et donc il est parti, il a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était lui-même le khalifa, il a envoyé Abu al-Hayyaj Al-Asadi, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça son nom, il l'a envoyé, il a dit, je t'envoie faire une mission qui est exactement la même que celle que le messager d'Allah s.a.w. m'avait envoyé faire à son époque. Chaque fois que tu trouveras une statue, tu la détruis, et chaque fois que tu trouves une tombe qui est surélevée, ou qu'on a construit dessus, tu la nivelles au niveau du sol. Et donc il est parti, il a nivelé les tombeaux, et il a détruit les statues et les images. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des choses qui amènent les hommes à tomber dans le shirk. Hein? Donc c'est sûr que pour les kuffars, comme l'UNESCO, puis les autres organisations de kuffars, eux, ils aiment défendre et protéger les statues, les images, les formes de shirk qui existent. Oui, au nom du patrimoine mondial. Alors que c'est des choses qui sont, à la base, fondées sur le bâtre, et elles sont fondées sur le shirk. Et on n'a pas le droit, donc, de défendre ou de protéger ces choses-là. Sauf que, ça, ils disent que ça s'appelle l'histoire, mais l'histoire du shirk, on n'a pas besoin de la garder. Hein? Mais l'affaire qui est importante de comprendre, c'est que si tu crois qu'en faisant quelque chose comme ça, ça va ramener plus de mal que de bien, dans ce cas-là, tu ne dois pas le changer. Hein? Et surtout si tu n'as pas d'autorité, hein? Et que tu n'as pas le pouvoir. Donc si par exemple tu sais que quelque chose va ramener plus de mal que de bien, donc dans ce cas-là c'est mieux de ne pas le faire, hein? Et d'attendre jusqu'à ce que tu sois capable de le faire et que tu sais que ça ne va pas ramener plus de mal. Exactement. Si tu vois dans la rue, tu vois une guitare, quelqu'un dans les... ou bien tu vois une statue de Marie ou Jésus devant l'église, tu dis, ah, je vais aller la détruire. Tu sais, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu sais que si tu fais ça, tu vas ramener sur toi-même et sur les musulmans plus de problèmes. Exactement. Donc tu sais qu'à cause de ça, dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, mais parce que les conséquences qui risquent d'en découler vont être plus grandes et mauvaises. Dans ce cas-là, à cause de ça, tu ne dois pas le faire. Et ça, c'est ça. Regarde. Exactement. Barakallahu fik. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pendant 13 ans à Mecca. Et il voyait des gens adorer les idoles et il ne pouvait pas les interdire de le faire, alors il patientait. Hein? Regardez même le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il appelait au Tawhid, il voyait des gens avant, au début de sa da'wah, il voyait des gens qui adoraient les tombes. Hein? Et ils allaient, je pense, à la tombe d'un qui s'appelait Zayd. Un des sahabas, je pense, s'appelait Zayd. Les gens avaient construit un tombeau sur sa tombe. Et ils allaient à sa tombe pour l'invoquer, pour l'adorer, en dehors d'Allah. Et ils disaient, Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que lui. Parce qu'ils ne pouvaient pas le changer avec la main, ils ne pouvaient pas détruire cette idole. Hein? Alors ils patientaient. Mais ils disaient aux gens, quand ils les voyaient, demandez à Allah. Allah est meilleur que lui, pourquoi vous demandez à lui? Hein? Et il se limitait à ça. Mais plus tard, quand il a eu le support de l'amir Mohammed ibn Saoud, et que là, dans ce cas-là, il avait l'autorité politique qui le supportait et qui le défendait, alors là, ils sont allés et ils ont détruit ces endroits et ces idoles. Hein? Donc c'est pour dire qu'il faut voir lorsque tu as le pouvoir ou non. Par exemple, les magasins où ils vendent de l'alcool. Tu ne peux pas rentrer là et commencer à casser toutes les bouteilles d'alcool. Hein? Même si c'est ça qui est obligatoire dans l'islam, de détruire les magasins d'alcool et de détruire l'alcool et de tout ça. Ça, c'est une obligation dans l'islam. Hein? de détruire les idoles, de détruire le shirk. Mais si tu sais que ça va ramener plus de mal que de bien, alors dans ce cas-là, tu peux pas. Même dans les pays musulmans, s'il y a des chrétiens qui vivent dans les pays musulmans et qui ont des ententes de paix avec les musulmans, dans ce cas-là, c'est pas permis non plus de les attaquer ou d'attaquer leurs églises ou de détruire leurs églises ou des choses de ce genre. C'est pas permis. Hein? Ahl-Zim. Ça c'est Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. فإن محمدا قد مات ولكن من يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم بارك الله فيك. Donc ça c'est un exemple aussi. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit نعم. OK. C'est ça. Donc il doit détruire ce qu'il est capable. Si c'est une image ou si c'est des instruments de musique ou des choses haram, il le fait. Il dit walakin hada mashrutun bishurut. Il y a des conditions pour interdire le mal, comme je disais. An la yufdi inkaruhu hada ila munkarin ashadd minhu. Wa an la yakuna al-inkaru bil yad mimma ikhtassa as-sultan bihi shar'an ka iqamati hadd ou shahr sayf wa nahwi dhalik. Donc le cheikh il dit, mais par contre, il y a des conditions pour changer le mal. Et une des conditions qu'on a mentionnées déjà, c'est que ça ne va pas ramener, le fait de condamner ce mal ou de changer ce mal, ça ne va pas ramener un mal qui est plus grand. Ça c'est très important, et beaucoup de jeunes, parmi les ignorants, et aussi parmi les excités, et parmi les khawarij, ils n'ont pas compris ça. Hein? Il y en a un autre jour, il m'est venu, il m'a dit, nous on veut rentrer dans les bars de chicha, les cafés de chicha, puis là on veut sortir les gens. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est mutahammis. Hein? Il dit, moi je veux ramener les gens au bien, je veux faire du bien. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire? Hein? Tu rentres dans les discothèques, tu vas sortir les gens? Allah musta'an. Il y en a des gens comme ça. Attends, juste une minute. Subhanallah, une fois j'ai vu une vidéo sur YouTube, et le pire, ça c'est grave, c'est pour dire tellement, ces gens-là sont tellement naïfs, et en même temps, ils n'ont pas de fiqh, ils n'ont pas de compréhension de la religion. C'était, je pense, un jeune converti en Belgique. Il s'en va proche des quartiers où il y a des gens qui vont pour la prostitution. Et lui, il se tient au bord de la rue, puis quand il voit des gens qui ont l'air d'apparence des gens de l'Afrique du Nord ou des pays arabes ou musulmans, il les voit et leur dit, allez pas là-bas, ça c'est haram, là-bas il y a le haram et tout. Mais subhanallah, pourquoi tu t'en vas à cet endroit-là? Pourquoi toi-même tu te mets dans la fitna déjà, hein, d'aller dans cet endroit-là et de faire ça? Donc lui, il s'imagine faire le bien, et il pense qu'en faisant ça, il va faire du bien. Il y en a d'autres qui s'en vont dans les discothèques. Il y en a d'autres qui s'en vont dans les bars. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de compréhension et de connaissance. Ils ne savent pas comment ordonner le bien, comment interdire le mal. Ils se mettent eux-mêmes dans la fitna. Exactement. Exactement. Allah musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Exactement. Exactement. Exactement. D'aller dans l'endroit où les gens se réunissent pour faire le péché, tu ne dois pas aller là. Hein? Peut-être, mais s'il vient de là, il s'est repenti, il ne doit pas retourner. Tu comprends? Allah musta'an. Donc la première condition, on a dit que ça ne va pas ramener un mal plus grand que le mal que tu veux interdire. Deuxième exemple que le cheikh il a mentionné, que ce mal que tu veux changer par ta main, ça ne va pas faire partie des choses qui sont spécifiques ou particulières aux dirigeants selon la religion. Comme par exemple d'établir les peines. L'établissement des peines de la charia, ça c'est uniquement pour les dirigeants. Comme couper la main des voleurs, faire la lapidation des femmes ou des hommes qui ont fait l'adultère ou des choses de ce genre, ou flageller ceux qui ont fait le péché. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Non. Donc pour terminer le sujet, parce qu'on est presque fini, donc c'est ça. Si c'est quelque chose qui est spécifique aux dirigeants, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de l'appliquer toi. Comme par exemple d'établir les peines de la charia sur quelqu'un qui a commis un crime. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique au hakim, au dirigeant. Donc toi, tu n'as pas le droit d'essayer de vouloir l'appliquer par toi-même. Parce que sinon tu vas faire du désordre. Tu vois quelqu'un, tu dis ah lui c'est un apostat, il a apostasié l'islam, je vais le tuer. Hein, tu t'en vas, tu le tues. Donc c'est ça qu'ils font les groupes de takfir, les groupes de khawarij. Ils voient des musulmans, Allah musta'al, même en Algérie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le fils, ils envoyaient des lettres, hein, à ceux qu'ils avaient décrété ou décidé que c'était des apostats. Ils leur envoyaient une lettre pour les avertir. Hein, que tu as commis un acte d'apostasie ou je sais pas quoi, puis là il leur envoyait ça, puis là il marquait le nom de leur parti en haut, hein. Puis il y a des exemples de ça jusqu'à aujourd'hui, des lettres comme ça, il y en a des exemples comme ça aujourd'hui. Donc tout ça c'est des exemples. Ces gens-là sont même pas des dirigeants, ils se donnent la permission d'appliquer des peines sur les gens. La même chose pour également de changer le mal par l'épée. C'est-à-dire que par exemple le dirigeant, ok, c'est lui qui a le droit de changer le mal par la force seulement, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des policiers, et il y a des soldats, il y a des policiers, des gens qui ont le droit de porter des armes. En ce qui concerne le commun des musulmans, s'ils changent quelque chose avec la main, ils peuvent, mais tant que ça ne dépasse pas leur, hein, qu'est-ce qu'eux ils ont le droit de faire. Oui, c'est ça. C'est chez toi, dans ta maison, s'il y a quelque chose qui est contraire à l'islam, tu peux le changer par ta main, parce que tu as l'autorité chez toi. Mais dans la rue, si tu vois des choses, il y a des choses que tu peux changer par la main, il y a des choses, ça se limite, c'est limité au dirigeant, donc c'est juste le dirigeant qui peut le faire. Il dit, « قال ابن الجوزي رحمه الله الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز لأحد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السالك في طبائع الملك نعم بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر قال من أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان انتهى كلامه. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان. فإن كان السلطان يعني الذي يعمل المنكر فليس لأحد منعه بالقهر باليد ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى قاله ابن النحاس وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. Donc pour terminer, c'est la parole de l'imam Ibn al-Jawzi en premier, que le cheikh a cité. Et l'imam Ibn al-Jawzi, c'est un parmi les ulama très connus, il dit de frapper par la main ou par le pied ou autre de ce genre de choses dans lequel il n'y a pas l'utilisation d'un arme ou d'un épée, c'est permis aux individus à condition que ce soit une nécessité et à condition qu'on se limite à ce qui est nécessaire, hein, ou au besoin. Donc ça, c'est la fin de la citation. Également dans un livre qui s'appelle Bada'i'u Silk fi Taba'i'i al-Mulk, écrit par Ibn al-Arzaq, Ibn al-Azraq, il dit, lorsqu'il a mentionné les choses qui sont en contradiction avec l'obéissance aux dirigeants et le respect envers les dirigeants, il a dit parmi les choses qui causent le plus de désordre, c'est d'essayer de changer le mal, d'essayer de changer le mal d'une manière ou à un degré ou d'une mesure qui dépasse ce qui convient, qui dépasse ce qui convient uniquement aux dirigeants. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui convient uniquement aux dirigeants de le changer par la main, dans ce cas-là, toi, tu n'as pas à le faire. Sinon, ça va causer plus de désordre. Et il dit donc, le cheikh, après avoir cité cette parole, il dit, tout ce qu'on a mentionné comme exemple de changer le mal avec la main, c'est uniquement dans le cas où ce n'est pas le dirigeant lui-même qui fait le mal, qui fait l'injustice. Mais dans les cas où c'est le dirigeant lui-même qui fait du mal, qui fait de l'injustice, dans ce cas-là, personne n'a le droit d'utiliser la force ou d'utiliser une arme ou de rassembler des gens pour l'aider contre le dirigeant. Sinon, cela va ramener plus de désordre et ça va faire des problèmes et ça va faire du mal et ça risque de faire perdre le respect que les gens ont dans leur cœur pour leur dirigeant et ça pourrait même les inciter à se révolter contre le dirigeant et à sortir contre lui et à détruire le pays. Hein? Ça peut même tourner en guerre civile par la suite, comme ça arrive dans certains pays malheureusement. Et donc il dit ça, c'est quelque chose qui ne fait pas ça fait partie de qu'est-ce qui est connu, l'Irfa. Les personnes ignorent ça. Ça c'est la parole de Ibn al-Nuhas. Et il dit ensuite, l'imam Ahmad a dit, et il conclut avec ça, il conclut le chapitre avec ça, il dit, l'imam Ahmad a dit, personne ne doit s'affronter ou disons s'opposer aux dirigeants car son épée est dégainée. C'est-à-dire que si tu t'opposes aux dirigeants, tu risques d'avoir de perdre ta vie ou de te faire couper la tête. Donc il faut pas rentrer dans ces choses-là. On a fini donc le chapitre sur cette question au sujet de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Maintenant, ensuite, bon là on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour le cours est terminé, mais le cours suivant inchallah, on va commencer l'autre chapitre qui est relié à ce chapitre-là, qui parle maintenant comment on doit faire quand c'est le dirigeant qui fait du mal. C'est quoi la méthode ou la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là? Et comment les ulama d'Ahl Sunnah ont clarifié cette question-là par rapport aux dirigeants lorsque c'est lui qui fait du mal? Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on peut changer ce mal-là? C'est quoi la méthodologie à suivre selon la méthodologie des salaf salih? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.